Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. D'origine japonaise, Minako est aujourd'hui professeure de yoga et fondatrice du Kunda Yoga à Paris. Minako nous invite au mélange des cultures entre diversité stimulante et unité retrouvée. Dans cette émission de Regard d'ailleurs, Minako revient sur son histoire personnelle et ce qui l'a amené à venir vivre en France. Moi je m'appelle Minako Komatsu, je suis japonaise et professeure de yoga et fondatrice aussi de Kunda Yoga. Alors avant de s'intéresser à ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui, j'ai envie de savoir ben, d'où tu viens, comment est-ce que tu es arrivée ici? Bah alors, déjà assez jeune, je sentais que, je ne sais pas, je sentais comme un décalage, un peu mouton noir, c'est ça? Que j'étais à l'école, je sentais que je n'étais pas forcément à ma place. Donc j'ai changé la place, enfin, j'ai changé l'école, j'ai essayé autre chose. Et puis, très tôt déjà, j'avais cette envie de partir de Japon. Bah, d'abord déjà aller voir ailleurs comment ça se passe. Et après, pourquoi je suis venue à Paris? C'est parce qu'à l'époque, j'étais passionnée de la mode, stylisme et modélisme. Et puis déjà très tôt, 6-7 ans, j'avais déjà commencé à fabriquer les vêtements sur mes poupées, Barbie. Et une de mes tantes qui travaillait dans la mode, elle m'a dit un jour comme ça, « Ah mais Minako, tu aimes faire ça ?» Donc j'ai dit, « Bah oui, j'adore. » Elle a dit, « Bah tu sais quoi, le capital de la mode, c'est Paris. Bah ça se trouve que tu vas y aller à Paris. » J'ai là, « Ah ouais ?» Mais quand j'y repense, je pense que bah, c'est ce parole de ma tante qui m'a vraiment, comment dire, donné cette première impression. Oui, capitale de la mode, c'est Paris. Donc c'était plus par rapport à un rêve de petite fille, hein, cette envie d'habiller ou d'être... C'est la mode vraiment qui t'a amené à voyager. Oui, oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et puis j'étais très curieuse aussi. J'avais une amie qui étudiait la philosophie au lycée. Et justement, elle est partie aussi à Paris. Et puis... voilà, elle parlait de Descartes, elle parlait de Merleau-Ponty et tout, et que c'était là, waouh, mais c'est quoi tout ça? Enfin, c'est vrai que nous, enfin, je trouve que la culture japonaise, on parle souvent que c'est la culture de hala, c'est la culture de ventre, de bassin. Vraiment, on a vraiment cette culture de très instinctif, et puis on ressent les choses. Et puis, y a des choses qu'on ne se le dit pas, qu'on le sent. Je crois que toi, tu vois parce que tu connais pas mal de pays d'Asie. Et puis, y a vraiment ce côté un peu simplicité. C'est-à-dire que, bon, on n'entreprend pas forcément des débats très intellectuels et tout, mais vraiment plutôt, on se sent. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Tu as quel âge quand tu fais le choix de quitter le Japon pour venir en France? Et quand tu viens en France, c'est pour voyager ou c'est déjà pour t'y installer? J'avais 21 ans. Et puis, à ce moment-là, j'avais un petit ami qui était au Japon. Mon entourage m'a dit, mais... Ça va, en fait, t'es sûre, tu vas le laisser au Japon. Et moi, j'étais tellement déterminée, parce que c'était mon rêve. Avant de m'intéresser à ton départ, il y a quand même quelque chose qui me... Ça me fait écho, tu disais, à l'école, t'avais toujours l'impression d'être un peu le mouton noir ou le mouton à cinq pattes. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le phénomène Ijime? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas vraiment ça. Enfin, je veux dire, ça... Oui, je l'ai vécu comme un peu tout le monde. C'est-à-dire que ce phénomène bouc émissaire... Si tu veux, je pense qu'en fait, on le vit un peu tous comme ça, parce qu'on fait le tour de rôle entre bourreau, victime et sauveur. Enfin, un peu comme partout, mais c'est vrai que dans la scolarité au Japon, C'est un phénomène qui est très prononcé. Donc tu as 21 ans, tu quittes le Japon, tu arrives en France, donc avec ce rêve encore de faire peut-être carrière dans la mode. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là? J'ai une première partie de la vie qui était vraiment très assez déroutante et pas très smooth. Et puis vers l'âge de 25 ans, j'ai fait une expérience comme, une prise de conscience qui était très très forte chez moi. Et depuis, j'ai vraiment changé ma vision des choses. Et puis, je suis devenue plus responsable à ma vie aussi. Et j'ai appris aussi à prendre soin de moi. Mais avant ça, c'était assez chaotique pour moi. Et en même temps, donc voilà, après 25 ans, et puis peut-être tout de suite après, j'ai découvert le yoga. Et puis, voilà. Donc, petit à petit, à partir de là, je me suis dirigée vers le yoga et puis le bien-être. Quand tu dis que tu as découvert le yoga, c'est-à-dire, donc c'est ici, en France, ou c'est lors d'un voyage retour au Japon, ou comment est-ce qu'on découvre le yoga? Alors, mon première expérience, c'était... c'est une amie qui m'a amenée dans un cours de yoga, qui était assez dynamique. Ici, donc on est en France toujours. À Paris, pardon. Et le professeur, il était très, très, très charismatique. Très beau, et puis toutes les filles avaient le cœur dans les yeux et tout. Et puis, il faisait faire des postures très compliquées, enfin très exigeantes, on peut dire. Donc, je transpirais, et puis j'ai... une heure et demie, ça paraissait super long. Et en même temps, après le cours et le lendemain, j'avais une... sensation de détente et de lâcher prise qui était assez nouveau chez moi. Et donc, je commençais à dire, ouais, le yoga, c'est super. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert le Hatha Yoga, qui est une pratique un peu plus doux. Et puis, tous les aspects plus philosophiques. Et puis aussi, la pratique de la méditation. Donc, je commence à découvrir au fur et à mesure dans divers aspects de yoga, plus dans sa globalité. Ça, c'est une réflexion très personnelle que je me fais quand je t'écoute. Je vois deux univers, l'univers de la mode qui est très axé sur l'extérieur, finalement, l'apparence, le paraître, et l'univers du yoga et de la méditation qui est beaucoup plus un univers intérieur, où on est plus en quête d'une forme de spiritualité ou d'un équilibre intérieur. Comment est-ce que tu as réussi à matcher les deux? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là où tu es finalement entre un peu deux univers, l'intérieur et l'extérieur? J'avoue que au début c'était pas simple pour moi, c'est-à-dire que d'abord effectivement j'étais dans un milieu qui vraiment l'apparence comptait, l'apparence c'était tout, comment s'habiller, et puis en avançant là-dedans, je commençais à perdre un peu la sens, je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait essentiellement, que je me sentais justement vide à l'intérieur, et puis j'avais de plus en plus de mal à trouver la sens de paraître et apparaître et de mettre toute l'énergie là-dedans. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le yoga, donc je découvre toute la richesse du monde intérieur et puis notre potentiel qu'on puisse, apercevoir à travers la pratique, la méditation. Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je suis basculée d'un seul coup d'un autre côté. C'est-à-dire que je pense que j'ai mon caractère qui est plutôt comme ça, un peu extrême dans ma nature. Et je suis basculée sur l'autre côté et je ne m'intéressais plus pendant un moment à ce qui concerne, à apparaître à l'extérieur. Et puis, je suis allée complètement dans la mode de vie très contemplative, un peu en retraite aussi, et puis j'ai passé des heures à pratiquer. Et c'est à ce moment-là aussi que, comment dire, après un certain temps, je me suis découverte que, bah, après les pratiques et tout, pour moi, de vivre cet état de béatitude, c'était devenu quelque chose de très simple pour moi. Il suffisait juste de, voilà, comme ça, de tourner un peu, comment dire, mon esprit là, à cet espace, à l'intérieur de moi. Et puis, ben, je vivais un état, enfin, que je vis dans cet état de béatitude, et de, on peut même dire, extatique. D'autre côté, pendant ce temps-là, j'étais devenue presque, comment dire, je ne pouvais plus fonctionner dans la vie au quotidien. Donc, c'était pas simple. Tu pouvais plus fonctionner, c'est comment ça? Ben, c'est-à-dire que j'avais plus très envie de sortir dehors, avoir des relations, comment dire, amis. Enfin, j'avais toujours des amis, mais j'étais très, très, très au retrait dans mon monde intérieur. Et puis, bah, à cette époque, donc, ma fille était encore petite. Du coup, comment dire, et puis j'avais une situation où je n'avais pas besoin non plus d'aller travailler à l'extérieur. Bah, du coup, je vivais un peu comme une ermite dans une grotte, si tu veux. Et, comment dire, d'un côté, je sentais que, voilà, cette joie profonde, la béatitude, quand je méditais, ou que quand, voilà. Et d'un autre côté, la relation entre interpersonnelle, bah, j'avais toujours autant de défis. Même plus, j'avais l'impression d'amplifier plus. Interpersonnel, c'est... C'est-à-dire que la relation approche, comment dire, dans le couple ou bien avec la famille et tout, je sentais davantage encore plus décalé. Et puis j'avais du mal à, comment dire, j'avais du mal à tisser la relation. Et j'avais la tendance de prendre la refuge dans ce, justement, le monde intérieur qui était la béatitude. Et puis au bout d'un moment, bah, je sentais que là, ça n'allait pas. C'est-à-dire que j'étais pas équilibrée. Bah, du coup, j'étais pas équilibrée, donc je n'étais pas vraiment heureuse non plus. Et puis, j'ai compris que à ce moment-là, je manquais grandement justement l'enracinement qu'on a parlé tout à l'heure, l'ancrage. Donc depuis, à ce moment-là, je commençais à travailler sur mon ancrage et puis prendre soin de mes quotidiens et puis d'apprendre aussi à prendre soin de mes blessures. Quand tu es là, quand tu vis cette révolution intérieure, tu la vis loin de tes racines. On parle d'ancrage, d'enracinement. Là, tu es en France, mais tu as grandi, tu es japonaise. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu as eu le besoin ou l'envie de retourner vivre au Japon? Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses quand même de rester et de vivre ici en France? C'est vrai que jusqu'il n'y a pas très longtemps, c'était un peu ambigu pour moi. Après, j'ai vraiment expérimenté la culture japonaise en grandissant là-bas, de côté un peu restrictif. Il y a plein de bonnes choses et puis il y a plein d'aspects que j'apprécie, mais c'est vrai qu'ici il y a plus de tolérance et puis même appréciation que chacun soit différent. Alors que c'est vrai qu'au Japon, on met beaucoup, beaucoup de valeur dans la collectivité. Bon, ce qui est bien aussi, c'est-à-dire sur certains aspects, c'est bien aussi. Du coup, on a énormément développé l'altruisme parce que ça fait, voilà, la base de notre vie au quotidien. Et en même temps, au Japon, on pense souvent que c'est tellement bien d'être tous pareils et que penser tous pareils, d'avoir comme une... comment dire, un discours un peu uniforme. Et puis si on est un peu en dehors de ça, ou qu'on dit un peu la différente chose, bah à ce moment-là, je sais pas, je trouve que c'est pas toujours facile. Et aujourd'hui, je suis bien ici parce que j'avais besoin, je pense justement, j'avais besoin de travailler, de s'affirmer. C'est-à-dire que voilà, en fait, comme toi, comme moi, enfin, chacun porte cette couleur qui est unique, la singularité. Et donc, en sortant de cette société qui, comment dire, donne beaucoup de valeur à la uniformité, je pense que ça m'a fait du bien d'être ici et de travailler sur l'affirmation de soi dans ma singularité. Ici à Paris, tu es prof de yoga, on va venir un peu maintenant à cette nouvelle étape de ta vie, donc t'es passé du monde de l'extérieur au monde un peu plus spirituel, le yoga, que tu as rencontré, tu as arrêté la mode, et aujourd'hui tu l'enseignes. Comment est-ce qu'on devient prof de yoga? Comment est-ce qu'on fait le pas pour passer d'élève, enfin de pratiquant à enseignant? Alors, donc je reviens à cette, mon première rencontre avec le yoga, avec ce prof qui était ultra charismatique. Alors à l'époque, je ne savais pas grand-chose sur le yoga. J'avais 24 ans, 25 ans. Et puis, j'ai senti le bienfait que je ressentais en sortant du cours. Et puis, je le voyais avec une admiration. Mais comme lui, il était tellement charismatique, il était ultra souple et coûteux comme une image de prof de yoga qu'on puisse avoir. Moi, qui avais 25 ans, j'étais là. Ouais, sûrement, en fait, prof de yoga, c'est un métier pour les anciens danseurs ou bien les danseurs, en tout cas, qui a été entraîné depuis l'enfance, quelque chose comme ça. Et puis, il faut avoir un énorme charisme. Il faut être jeune. Alors moi j'ai 25 ans et puis voilà, j'ai pas encore fait tous ces parcours-là dans mon enfance, donc c'est sûrement trop tard. Donc maintenant que j'y repense, ça me fait rire. Et puis après quelques années, donc j'ai découvert, comme j'ai dit, le yoga dans les différents aspects, c'est-à-dire surtout l'aspect philosophique, pourquoi, quel est le but de la vie et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça n'avait rien à voir. Donc ça en était une des formes, mais aussi de partager, ce que nous avons appris, c'était ouvert pour tous, si c'est vraiment son propre élan. Donc du coup, j'ai pratiqué très intensément dans une association. À l'époque, je travaillais toujours dans cette boutique, et puis en parallèle, je faisais toujours les accessoires. Mais dès que je finissais le travail, j'allais dans ce centre. Je passais peut-être un tiers du temps là-bas. Je prenais des cours et puis j'ai subi des stages. J'ai appris la philosophie de yoga, la Laja Yoga, tout. Et puis, ça s'est venu très naturellement. Au bout de 2-3 ans, j'étais là, ok, donc maintenant je sens que j'ai envie de partager ça avec mon entourage et puis de au-delà. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir en Inde et prendre une formation. Satoma satkamaya tamasoma jyotirgamaya prityoma amritam gamaya om satoma satkamaya tamasoma jyotirgamaya. Tu fais un stage, tu rentres en France et donc tu fais le choix de devenir prof de yoga. tu parles du Kunda Yoga. Qu'est-ce que c'est que le Kunda Yoga ? Alors, Kunda Yoga, c'est une pratique qui prend la racine dans la forme, on peut dire plus ou moins primitive, de pratique de Kundalini Yoga. Et puis, en même temps, qui est, revisité pour être adapté à notre vie d'aujourd'hui. Et puis, évidemment, ça vise sur l'éveil de l'énergie sexuelle. Donc, quand je parle de l'énergie sexuelle, c'est ce feu intérieur, cet élan vital qui peut s'exprimer sexuellement, mais qui peut aussi, ça dépend à quel endroit, comment ça manifeste, ça peut s'exprimer comme élan de cœur ou de élan de conscience, cet élan vital. Donc, on vise à venir dynamiser et éveiller cet élan vital. Et donc, maintenant que tu l'enseignes, ça marche bien, beaucoup de gens, comment le yoga est perçu ici dans l'univers parisien ? Est-ce que tu as de plus en plus d'élèves ? Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui du métier de prof de yoga ? Ce qu'on partageait tout à l'heure, moi j'ai l'impression que j'ai entendu plusieurs fois, je n'ai plus de télé depuis 10 ans, mais j'ai entendu quand je prenais le taxi la dernière fois, oui c'est la crise, la vie c'est dur. J'ai l'impression que le yoga, c'est un domaine là où pour le moment je sens pas que c'est difficile. Au contraire, le salle est davantage rempli. Hier par exemple on était plein. Et sûrement, ce que toi tu disais tout à l'heure, Alexandre, c'est que quand on vit cette crise extérieure, on se rend compte aussi de notre crise intérieure, et qui était là. Et en même temps, tant qu'on dirigeait notre attention vers l'extérieur et que on trouvait la sens à la quête de la matérialité, de la quête de plus, toujours plus. On s'occupait comme ça. Et puis maintenant qu'en fait les choses qu'on donnait beaucoup de valeur, on voit que ça ne fonctionne pas si bien que ça. À ce moment-là, sûrement, on commence à voir à l'intérieur que on peut vraiment ressentir ce vide que j'ai ressenti avant mes 25 ans. Et puis de commencer à se poser la question, alors quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, le bonheur, le bien-être ? Et puis est-ce qu'il y a autre chose peut-être à découvrir ? Par exemple, c'est vrai, la sexualité, c'est aussi un des aspects que j'ai redécouverte à un moment de ma vie, et qui a vraiment complètement changé le sens c'est comme si le monde ancien que je vivais, par exemple là je parle de la sexualité qui était très limitée, ça s'est effondré, puis maintenant je vois quelque chose comme vraiment sacré et en même temps très réel, et puis qui vraiment qui a un sens beaucoup plus profond que ce qu'on puisse avoir une idée avec toutes les éducations qui n'est pas forcément très riche dans ce domaine, toutes les matières qu'on puisse être en contact, les pornographies et tout ça, jeune. Je sais pas, en fait, il faut une déclic. Et le côté tabou aussi, le sexe, c'est pas quelque chose dont on parle ouvertement. Qu'est-ce que tu entends par le mot sexualité ? Justement, c'est ça. Et puis, j'ai une thérapeute qui est japonaise pour le coup, elle est japonaise, et qui initie justement la sexualité sacrée. Et elle m'a expliqué un jour que la sexualité, ou le sexe, ça vient du mot, un peu comme la séparation ou la distinction. Certes, mais ce qu'on cherche, c'est à s'unir. Alors oui, c'est vrai, on vit tas de tabous, alors que quand on regarde dans l'histoire, Au Japon, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est tabou. On n'en parle pas trop. Et puis, c'est, je trouve que tous les discours qu'on puisse entendre, c'est très appauvri aussi. Et il y a quelques cent années, quand on regarde un peu l'histoire, bah, la sexualité était quelque chose de beaucoup plus ouvert et partagé. Et puis aussi d'explorer de différentes façons, mais plus ouvertement. Alors... je pense qu'il est grand temps maintenant, aujourd'hui, pour nous de ramener la sexualité, enfin, et puis tout ce qu'on puisse, comment dire, découvrir la richesse. Bah, commencer à en parler de tout ça dès notre enfance. Par exemple, ma fille, elle sait déjà ce que c'est les lunes, enfin, ce que j'appelle les lunes, c'est les cycles menstruation. Et on en parle ouvertement, alors que, par exemple, beaucoup de femmes de notre âge, surtout en France, c'est-à-dire qu'au Japon, c'est vrai, par exemple, hein, les premières lunes des jeunes filles, ça reste encore quelque chose à célébrer. Donc on fait une préparation du repas, du riz rouge avec les haricots rouges et tout ça. Et du coup, bon, c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Et en même temps, là, cette jeune fille, elle sent que ben, c'est honoré et célébré. Alors qu'ici, j'ai souvent échangé avec les femmes de mon âge ou plus, et dit « Ah, mais moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de honteux. Ma mère, voilà, par exemple, discrètement m'a passé la serviette, mais elle ne m'a rien expliqué, j'ai rien compris, j'ai eu peur, alors je pouvais demander à personne et tout ça. » Et je pense qu'il est vraiment, vraiment grand temps d'enlever la honte et de tabou et de commencer à en parler déjà assez tôt. Et puis même à l'adolescente, si on peut avoir une proposition, comment dire, d'expérimenter cet élan vital de façon saine et harmonieuse. Par exemple, une des choses que je pense, que je trouve ça vachement bien, c'est d'organiser des soirées du yoga, mais avec la respiration dynamique et dansant et tout, mais sans alcool. Et puis on commence tôt, par exemple, début de la soirée à 17h, je sais pas, 18h, on termine à 23h. Et puis, bah, c'est comme ça aussi que comment dire, les jeunes personne, il peut découvrir sa propre élan vital dans un environnement bienveillant et puis conscient et en même temps rigolo. Et puis voilà, il y a vraiment, comment dire, le côté waouh waouh. Parce que moi, ce que je trouve ça dommage, et que c'était pour ça qu'à un moment donné, moi, je me suis coupée aussi de mon élan vital et que je suis partie plus dans le monde d'esprit, comment dire, voilà, moins matériel et tout. De l'élan vital et tout. Et beaucoup plus tard, justement, dans les soirées de tantra, que c'était dansant, la musique, la respiration et tout, que je me suis rendu compte, mais c'était ça, en fait, c'était ça ce que j'avais besoin. J'avais besoin de ressentir mon feu intérieur et de ressentir cet élan vital. Alors que bah, quand j'avais 20 ans, le seul endroit que je pouvais ressentir et vraiment aller à fond, bah, c'était des endroits qui étaient bah, associés à toutes ces choses, en fin de compte, qui nous éloignent un peu de la conscience. Et quand on l'éloigne de la conscience, bah, il reste juste cette intensité vitale. Parce que même la sexualité, bah, on se rend compte, tu vois, que c'est... Parce que puisqu'on n'a pas été éduqué, bon, éduqué c'est peut-être le mot qui est un peu restrictif, mais on n'a pas été tellement partagé, parlé au sein de famille, ni à l'école, enfin entre les amis, c'était genre oui, voilà, enfin. Bah, nos premières expériences sexuelles, je pense, et peut-être pour beaucoup de personnes, c'est souvent abordé, associé avec de l'alcool ou même avec de drogue. Que c'est comme ça, on a vécu comme ça. Mais aujourd'hui, on peut proposer peut-être autre chose. Alors, ce côté waouh. C'est quoi le côté waouh? Waouh, c'est-à-dire que sans être trop au sérieux, mais en même temps, voilà. Waouh. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.